Où tu vas, où tu vas, où tu vas, où tu vas, tonton? Où tu vas, où tu vas, où tu vas, où tu vas, tata? Où tu vas, où tu vas, où tu vas, où tu vas, mamie? Où tu vas, où tu vas, où tu vas, où tu vas, papy? Au folie bergère. Où tu vas, où tu vas, où tu vas, où tu vas, maman? Où tu vas, où tu vas, où tu vas, où tu vas, papa? Où tu vas, où tu vas, où tu vas, où tu vas, Médor? Où tu vas, où tu vas, où tu vas, où tu vas, Mirza? Où tu vas, où tu vas, où tu vas, où tu vas, Jeannot? Où tu vas, mamie?